cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أخذنا في الدرس السابق كتابة القرآن وجمعه، وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن هذا على ثلاثة مراحل، والمرحلة معروفة نتب. ما هي هذه المراحل؟ الأولى كيف جمعوا القرآن وكتبوه، أي الصحابة رضي الله عنهم. الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ça a commencé في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على époque du prophète عليه الصلاة والسلام. كيف هذا؟ comment il a été ce commencement؟ كان يحفظونها. الأصل كانوا يحفظون. نعم، لكن ça a commencé الكتابة والجمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض الصحابة بكتابة هذه الآية. ils utilisaient sur des os ou sur ورق الشجر. نعم، يكمنسيه رترانسكريخ كلك آيات. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاعتماد في هذه المرحلة استلحظ. ثم المرحلة الثانية في زمن في هدي البر، ماذا حصل؟ نبهوا بعض الموت الصحابة. نعم، قتل بعض القراء 70 أو أكثر، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 70 كي سوموس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، القراء، نعم، بعث 70 رجلا يقال لهم القراء أي الحفاظ. ils se sont fait tuer رضي الله عنهم. ثم في عهد أبي بكر نفس الشيء، وقعت اليمامة منهم قراء صحابة. دونك ماذا حصل؟ أمر أبو بكر بماذا؟ باستشارة من أولا؟ باستشارة عمر. نعم، بجمع هذا القرآن، فأرسل إلى زيد بن ثابت. إذن كمانسي. ثم المرحلة الثالثة هو في عهد عثمان بن عفان. في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم، ماذا حصل؟ أنه جمع القرآن في مصحف. خيف من الخلاف، فأمر عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن. إلى بخيل الصحف كزتا عند حفصة كعمر رضي الله عنه. Il avait délaissé عند حفصة. عثمان les a récupérés. Ils ont tout rassemblé dans un مصحف. Thomas est devenu المعتمد مصحف عثمان رضي الله عنه. فاستفدنا أن ça s'est fait depuis l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça a commencé إلى زمن عثمان. Il y a eu plusieurs مراحل. Et beaucoup de صحابة ils ont œuvré في هذا. فرضي الله عن الجميع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه التفسير. Nouveau باب. قال التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. هذا في اللغة. وفي ذلك الموضوع أن التعاريف اللغوية والاصطلاحية يعني، فهنا الكشف عن المغطى. المغطى c'est quelque chose de couvert. الكشف c'est découvrir. Tu comprends أن التفسير c'est pour connaître le sens du Coran. لأن si tu connais pas ce sens, c'est بمنزلت المغطى. C'est comme quelque chose de couvert. Tu n'arrives pas à comprendre. هذا التفسير va te permettre de découvrir cette chose. قال وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. Et c'est من أجل العلوم. Et c'est من أفضل العلوم. لأن القرآن c'est كلام الله. Et essayer de comprendre كلام الله. Essayer de méditer. Ça va impliquer بإذن الله pour celui qui est موفق. العمل. Tout ça, tu as besoin de comprendre le ma'ani. Et pour comprendre le ma'ani, tu as besoin de ce ilm, ilm al-tafsir. قال وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. واجب. لكن سبع تطلع أمك دوا كونتخ التفسير. هذا لا. نعم. الواجب هنا واجب كفاية. Et là, chacun des musulmans, le minimum, il doit comprendre ce qu'il récite, qu'à Surat al-Fatiha, et certaines sourates qu'il a l'habitude de réciter. Bien fait, mais il fait des efforts. Lakin, al-inaya bi tafsir, du début à la fin, hada ma'rouf, c'est pas tout le monde. Talabat al-ilm, min babi awla al-ulama, et il propage. Il y a un nas, ils expliquent. Tu trouves une al-awam, Rubbama, un jour, il a besoin de l'explication d'un verset. Et huwa, il va demander, fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Fal-wajib de connaître le tafsir, c'est wajib kifa'i. Qala, wa li qawlihi ta'ala, afala yatadabbaroun al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Donc, at-tadabbur, c'est muhim. Dans les deux versets, c'est cité. Pourquoi il a cité ces versets, Cheikh Ibn Uthaymeen? لأن لا يمكن التدبر إلا بعد الفهم. Tu ne peux pas méditer sur une chose que tu ne comprends pas. Cette compréhension, tu dois avoir le tafsir. قال ووجه الدلالة من الآية الأولى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال أن الله تعالى بين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته. C'est ça la hikma. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun limada liyadabbaru ayatih. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen wa yatta'idhu bima fiha. Yatta'idhu. Vous connaissez le mot maw'idha, ay un rappel. Yatta'idhu ay c'est un rappel hada le Qur'an bima fiha. Yatta'idhu, ça ils prennent des leçons, ils tirent des leçons de ces ayat. Ça, ça te montre que ce Qur'an, ce n'est pas mujarrad qira'a. Alil asaf, inda kathir min al-muslimin, c'est devenu mujarrad. C'est même plus qira'a inda ba'dihim. C'est l'afficher, faqat. Il l'affiche dans sa voiture, chez lui. Lakin, entre lui et le Qur'an, il y a un fossé. Min hayt al-tilawa, wa al-tadabbur, wa al-amal, wa al-da'wa. Le but, ce n'est pas ça. La kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Awwal marhala, c'est hadhi. T'as cette envie de méditer, de comprendre. Comment ça va impliquer des choses? Min amal wa da'wa, etc. Qal wa tadabbur huwa at-ta'ammul. C'est deux mots qui se ressemblent. Aïe, méditer sur ce Qur'an. Qal fil alfad lil wusul ila ma'aniha. Et c'est bien avec le khushu' il montre, que l'iman il montre, que l'ilm. Kadhalik yakthur. Qal fa idha lam yakun dhalik fatat al-hikmatu min inzal al-Qur'an. وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها. نعم هذا الواقع عند كثير من الناس. مجرد ألفاظ لا تأثير لها. بعضهم بعض المساجد كما تعلمون في بعض البلدان ربما dans les مساجد il y a des versets partout. Et sur les murs. Ça c'est pas من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم son masjid il était pas هكذا. Et ils étaient capables d'écrire des versets sur les murs. لكن c'est pas le but. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. C'est pour ça que ceux qui le font, yukhalifuna as-sunna wa yukhalifuna hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Alors, tu rentres dans certains masajid, rubbama tu trouves un verset fi at-tawhid. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ou tu peux trouver qawlu Allah azza wa jalla wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah min hadi al-ayat. أو قول الله عز وجل فاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. Tu trouves dans ce même masjid un qabre et ils font tawaf. شوف على تناقض. لأن pour eux ce Coran c'est devenu مجرد il est affiché فقط. أما العمل il puisse pas son عمل de le Coran. لا c'est un مقلد قبوري c'est un صوفي. Il prend la compréhension de ce dîne de son shir pas du Coran. فالقرآن le Coran, le verset, il est clair. وَقَضَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّا. Rubbama, ce verset, s'il n'est pas affiché ou sculpté sur le mur, il est cité dans le mushaf. Et dans les masajid, il y a des masahib. Tout ça, c'est de côté, et tu le trouves, il rentre dans ce masjid, il fait ce jour de l'iqabr. Ou tawaf, tout ça, c'est des ibadat. Ou il demande, pourquoi tu délaisses قول الله عز وجل et tu fais ces choses? Alors que tu prétends aimer le Coran et tu l'affiches et tu le lis. Ah, c'est ce qu'il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen. Wa sara mujarrad alfad la ta'thira laha. C'est devenu que des alfad. Il sait plus c'est quoi, il n'y a aucune différence pour lui entre alif, lam, mim. Ta'lamoun, il y a un khilaf. Est-ce qu'on connaît le sens, amla? Fa'al al-qawl qu'on ne connaît pas le sens. Il n'y a aucune différence entre alif, lam, mim. Trois lettres. Alif, lam, mim. Et قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. Pour lui, c'est la même chose. C'est des lettres, c'est des lettres. Il ne comprend pas le معنى, il ne comprend pas le معنى. C'est ça qui a emmené la umma à cette situation de جهل. Et البعد عن القرآن والسنة. Et les musulmans, ils aiment le Coran. لكن المشكلة, c'est هذه. Allah, ils aiment le Coran, lakin kathir, mais non, ils n'ont pas compris c'est quoi le but. Et le but, il est cité fi qawlillah azza wa jalla. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Limada? Si tu poses la question, Allah, il a fait descendre ce kitab, il est mubarak. Pourquoi il l'a fait descendre? Liyadabbaru ayat. Ah, la tadabbur. Enfin, réfléchis là. T'as un verset, ou des centaines de versets qui te montrent qu'il faut adorer Allah seul. Réfléchis, tadabbur. Pourquoi j'adore une tombe? Pourquoi je demande à un mort? Pourquoi je fais tawaf? Pourquoi? Alors que c'est des ibadat. Tu les fais pour Allah. Celui qui va au hajj, il fait tawaf. Ça te montre que c'est une ibadat. T'as une règle que l'ibadat, c'est haqqulillah. Pourquoi tu l'as fait pour autre qu'Allah? Tadabbur. Réfléchis là. Ne te contredis pas. Kuffar Quraysh. Ils n'ont pas voulu se contredire. Et ils ont compris les ma'anis. Que Kathir ibn al-Nas'an ne comprennent pas. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a ordonné, par l'intermédiaire du prophète alayhi salam, Qulu la ilaha illallah tuflihu, ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu se contredire. Ils ont dit, comment on va délaisser nos statuts? Ils ont compris le Coran. Ils ont compris pourquoi le Coran a été révélé. Il a été révélé pour tawhid. Ils ont dit là. Ils ont dit, nous, on ne peut pas délaisser nos statuts. Et on a vu, hada kathiran fi durus tawhid. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Ils ont été étonnés. Comment toutes nos idoles on les délaisse pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala unique? Ils ont dit إن هذا لشيء عجاب. Ils ont compris. Ils ne sont pas contredits. Ils sont tombés dans le kufr الواضح. فالعبرة c'est pas le كثرة. العبرة c'est ولو تحفظ un peu, ولو tu médites un peu et t'appliques, t'avanceras. Et petit à petit, tu verras que t'atteindras un niveau طيب. أما كثرة كثرة السامديتة القرآن حجة لك أو عليك. قال الشيخ العثيمين قال والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. إيه سا لبوت الوصول إلى معانيها. في الحقيقة celui qui a une محبة صادقة pour une chose il veut comprendre cette chose. معلوم هذا. Et pour vous donner un مثال, مثلا tu vis loin de ta famille. Si ta famille, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ton fils, si واحد منهم il t'envoie une lettre, tellement que tu aimes cette personne, et tellement que tu veux, t'espères le rencontrer, t'espères, si tu envoies une lettre, tu vas la lire avec ta ammoul. Sahih. Tu trouveras pas واحد, مثلاً, il comprend la langue française maintenant. Lakin son père ou sa mère, il lui envoie cette lettre avec une langue qu'il ne comprend pas. Est-ce qu'il va accepter? Il ne va pas accepter. Il va faire des recherches. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Pourquoi t'envoyant cette langue? Et il va tout faire pour comprendre. Parce que awwalan c'est quelque chose de dunya. Et l'insan est attiré par le dunya. Et thaniyan, liyanna, il aime, il veut comprendre le message de son père ou sa mère. Qu'est-ce qu'ils veulent? Fama baluk bi kalam rabbil alamin. Ma baluk. Normalement, un musulman sadiq, il a une mahabba sadiqa, et il a un iman qawi, et il veut l'akhira, il veut comprendre. Allah, il a révélé un kitab, fihi al-khayr, on a cette croyance, et c'est le chemin pour arriver à al-jannah bi-idhnillah azzawajal. Enfin, normalement, tu fais des efforts, jiddan. C'est quoi le but du message? Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a des ordres, je dois les comprendre, il y a des interdits, je dois m'écarter. Enfin, c'est pour ça que les sahaba, ils faisaient des efforts, jiddan. Et c'est pour ça qu'ils étaient très contents quand le Coran y descendait. Et ils ont été très tristes dès qu'ils ont compris que la révélation s'arrêtait avec la mort du prophète alayhi salam. Hada c'est muhim jiddan, comprendre le ma'ani. Qala fa idha lam yakun dhalik fatat al hikma min inzal al Quran wa sara mujarrad alfaz la ta'thir laha. Et ça c'est le waqi' kathir min an-nas, fal hadar al hadar, de pas tomber dans cette routine hadi. Ça devient mujarrad qira'a. Et en haqiqa dès que ça devient mujarrad qira'a, t'atteindras un autre niveau, na'oudou billah, c'est même la qira'a, au Rubama, elle n'y est plus. Et là, ça devient automatique et c'est lourd. Hatta un jour, il délaisse, il n'y est plus. Amma, si c'est bita ammul, tadabbur, il y a des recherches, ça implique du amel. Hada l'insan, il est fi ghayat al-farah wa al-raha, avec ce Coran. قال ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معاني. نعم, هذا لا يمكن. S'il ne comprend pas. Enfin, ma balouk, celui qui ne comprend pas l'arabe. Ma balouk, il ne fait pas d'effort. Il écoute une chose, ma ifam. Ma ifam. Est-ce que c'est possible qu'il médite? C'est impossible. Fi hadha al-hal. Li hadha qala Cheikh Al-Uthaymeen, wa li annahu la yumkin al-itta'ad bima fi al-Qur'an bidun fahm ma'ani. Et al-an, ça nous pousse à une mas'ala muhimma, c'est que ce Qur'an, il est en langue arabe. قرآنا عربيا قال عز وجل عربيا يلي بالعربية si t'as pas cet outil مهم cette clé tu pourras pas comprendre donc les efforts dans la langue arabe la langue du Coran amma les traductions c'est pas la traduction du Coran c'est la traduction du sens فقط ça te rapproche لكن أبدا ça sera comme le أصل هذا لا التدبر اللي في الأصل amma le sens ça te ça t'aide au début لكن au début Thomas il faut faire des efforts dans la langue arabe لأن حتى les كتب de tafsir ils sont en langue arabe et حتى les hadiths qui expliquent ce Coran ils sont en langue arabe donc c'est si t'as pas cette langue là chaque il y aura un obstacle entre toi et ce Coran قال ووجه الدلالة من الآية الثانية الثانية أفلا يتدبرون القرآن قال أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن نعم سنعين سنقص فلهذا قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها على أقفال معروف c'est le pluriel de قفل أي des cadenas est-ce que dans leur cœur il y a des cadenas أي leur cœur خلاص ils n'arrivent plus à comprendre ils n'arrivent plus à il y a un voile قال أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. Donc si tu veux le خير, tu veux que ce cœur y comprenne. لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. بعضهم il l'appelle مالك الأعضاء. C'est le roi de tes membres. S'il est صالح, inshallah tout le reste suit. S'il est فاسد tout le reste suit. Comme dit le hadith. Anta, c'est comme si tu avais une clé, tu ouvres la porte et nour yadkhul. Cette clé, c'est la langue arabe, c'est l'ilm, c'est le tafsir, c'est les efforts. Voilà. Mais s'il n'y a pas tout ça, le qalbi reste fi ghulb. Bel, ça devient une éponge, il absorbe tout le champ. Le cœur, c'est un récipient. Là, il soit rempli de quelque chose. S'il n'est pas rempli de khayr, de Qur'an, de sunnah, de tafsir, de ilm, il sera rempli par autre. Toutes les choubouhats qui traînent. Ce cœur, il ne peut pas rester vide. Abadan. Ce cœur, il doit être rempli. Il doit être rempli. Imma, iman, wa nour, wa imma, le contraire. Imma, c'est mélangé. Bardohum. Iman avec des choubouhats, avec du jahl, avec. Enfin, l'insan, il fait des efforts, hatta il le remplit au maximum bil khayr. Limada, ce cœur, il ne peut pas rester neutre. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala hakama. Anna al-insan, imma il rentre fil jannah, imma fil nar. Et bien sûr, il y a des musulmans, ils rentreront fil nar, tumma ils rentreront fil jannah. Lakin, nous parlons min hayt al-abadiyya, min hayt al-ta'bid. L'éternité, imma jannah, imma nar. Tu ne peux pas avoir un cœur neutre. Li anna, il n'y a pas une manzila entre le jannah et le nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Donc ce cœur c'est obligé. Obligé. Imma il est à la iman, imma il est à la kufr. Et l'iman yazid wa yanqus, bien sûr. Et hatta celui qui est à la kufr, il peut faire tawba. Lakin nous parle min hayth al-dar al-qarar. Aïe l'éternité. Imma jannah, imma nar. Tout ça c'est pour rapport à ton cœur. Et à l'a'mal. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est muhim diddan hadha al-kalam. قال وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة أما السلف ils ont fait des efforts جدا في هذا c'est pour ça qu'Allah سبحانه وتعالى les a élevés ils ont قدم القرآن على كل شيء ils ont fondé leur vie على هذه الشريعة Allah سبحانه وتعالى les a élevés كلما واحد ou un qawm, plus il s'écarte du Coran, plus il sera à la charte. Par rapport à son écartement, son égarement, il sera proportionné par rapport à cet éloignement. قال يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه. نعم, deux choses. يتعلمون الألفاظ, bien sûr, ils l'apprennent par cœur. كذلك, ils apprennent المعاني. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, prends l'exemple de la Fatiha. C'est la première sourate. Chaque musulman il la connaît. C'est ça l'asl. كذلك, tu en as besoin pour beaucoup d'ibadat, la salat. Fakif, un musulman, il récite une chose tous les jours. Et c'est une surah azim, il l'aime. Et il ne connaît pas le ma'ani. Il ne connaît pas. On ne dit pas à la tafsil. Robama, il y a des choses, min hayt al-lugha. Là, nous on parle ma'ani fil jumla. Ça veut dire quoi Alhamdulillah? Ça veut dire quoi Iyaka na'abud, Iyaka nasta'in, ihdina as-sirat al-mustaqim? C'est quoi ce sirat al-mustaqim? C'est qui le maghdoub alayhim? C'est qui le dhalin? Etc. Hatta il a une nubda tayyiba min hayt al-tafsir, tafsir hadith surah. Prends ça, c'est l'exemple de Fatiha, faqat, la balouk les autres versets. Des versets que tu as besoin, kadali. Des versets fil zakat, des versets fil hajj, des versets par rapport à al-tahara, des versets par rapport à des ahkam muhimma. Ta'at wali l'amr, l'aqida, tout ça. قال لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن نعم comment tu vas appliquer une chose si tu connais pas cette chose قال على مراد الله به فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن تأمل قول شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله لأن هذا العمل إدويت على مراد الله لأن c'est Allah سبحانه وتعالى qui a révélé ce livre, c'est lui qui t'a ordonné, donc ce عمل il doit être à la mourad d'Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut. Pas comme les gens ils font. Ou comme Fulani veut t'imposer. Là. Léanna l'an, ba'duhum, yastadilluna bil Qur'an, avec des choses qu'il pense lui. Il te cite des versets, il prend ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il veut. Na'oudou billah. Et il s'égare et il égare. Là. Al-amal il est à la mourad d'Allah. Pourquoi Allah il a révélé ce verset? C'est quoi le sens? Et est-ce que cette compréhension, c'est la compréhension des salaf? Léanna Allah subhanahu wa ta'ala radia anil salaf. Anta tu dois être à la hada. Amma, comme ils appellent aujourd'hui al-a'da, qatalahumullah, il faut une nouvelle explication, bal ba'dahum, il faut enlever complètement des versets là. Ou même si tu les laisses, laisse-les mujarrad qira'a faqat, et ne pas trop les propager, et akhtar al-muslimin ils ne les comprennent pas. Tu les laisses hakada. S'ils peuvent les enlever, ils les enlèvent, na'oudou billah. C'est pas ça. Là, le Qur'an, c'est, tu le comprends à la fahmi sahaba ou salaf, comme ils l'ont compris eux. Pas comme ils veulent te faire comprendre l'a'da. Ce adou, il ne croit pas au Coran. Comment tu vas te faire de lui l'explication du Coran? Est-ce qu'à ton avis, l'islam de France, l'an, ça va être fondé sur le Coran ou le sunnah, avec tadabbur le Coran, comment il a compris Ibn Abbas, comment il a compris Abu Bakr, comment il a compris Uthman, comment il a compris Mujahid, comment il a compris l'imam al-Bukhari? Abadan. Est-ce que c'est cet islam qu'ils appellent là? Ben, les harb, cet islam. Pour eux, cet islam, c'est fondamentaliste, c'est radicaliste, c'est... Ils veulent un islam qui est fondé sur le kufr. Ah, la démocratie, la laïcité, la liberté. Et c'est deux choses qui se contredisent de même. L'islam, c'est l'islam, là, tu te soumets, et la démocratie, tu fais ce que tu veux. Voilà, il y a d'où là, ils veulent rassembler les deux, pour t'écarter de ton dîme. Là, il y a un nas, ils sont fait djahl. C'est pour ça, ils ont du mal à comprendre. Ils te disent, c'est vrai, ils font un islam de France. Et il parle des choses qu'il ne maîtrise pas. قال بأن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن. Eh, نعم, ça c'est واضح. قال وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود من أئمة الصحابة من علماء الصحابة من القراء من الحفاظ من المفسرين إذا ما تخئوني في القرآن قال أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل هكذا منهج الصحابة دي بخصة إذا أبخن ما فيها من العلم أي سابدير كوا سكوا لبت يتدبرون يتأملون صفي منطل الإيمان ثم العمل. Et avec cette tariqa, l'amal, ça sera très simple. Et là, t'es convaincu. T'es convaincu. Tu sais que c'est kalam Allah. Tu sais que c'est le but. Enfin, l'amal, ça ira tout seul. L'imada l'an, ba'd al-muslimin, ils ont du mal, ba'd al-a'mal. Là, il y a des choubas. Amma haoula, l'imada l'amal, l'été kathir. L'yanna, la méthodologie, elle est bonne. Awwalan, il applique pas, l'yanna, les gens, ils font là. Il applique parce qu'il a appris. Il a médité, il est convaincu. Amma l'an, ba'd al-nas, c'est devenu des coutumes. C'est lourd. Il fait parce que les gens ils font. Et tellement que c'est lourd, il arrête. Et بعضهم الآن يدلس ربما الركن الثاني عمود الإسلام. Celui qui délaisse cette chose, il n'y a plus de différence entre lui et un kafir. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ربما يدلس لماذا؟ لأن ce n'est pas fondé sur علم وتدبر ثم عمل إلى خالص لله. Là, c'est lourd. Il fait parce que les gens ils font. بعضهم مثلا il fait que pendant Ramadan. Pourquoi? Parce que Ramadan pour lui c'est un mois. Il faut faire des efforts, il fait salat. Après Ramadan, il délaisse. Est-ce que tu as un verset qui démontre ça? Abadan. بل دي فيرسي مونتخنا أن celui qui délaisse sa salat il est à la khatar. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Et ça fait deux des a'imma fi d-din. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه فكيف كلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. كلام جميل لشيخ الإسلام. العادة أي en general العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوا. صحيح. ما بالك الآن نحن prend les exemples الآن des écoles. Chaque école a des programmes basés par rapport au par rapport au pays, par rapport à la langue, par rapport aux étudiants. Mais ben, en France, du jour au lendemain, مثلاً, tous les programmes, c'est en langue chinoise. De l'école primaire jusqu'à la faculté, l'université, les études supérieures. Tout le monde a la langue chinoise. Et ils ne laissent pas le temps aux gens d'apprendre la langue chinoise. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Un gros pourcentage, ils vont délaisser. Et ceux qui vont s'accrocher, ils comprendront rien. Ah, qu'est-ce que l'islamite, moi. Il dit, c'est pas min al-ada, un qom, il étudie une matière et il comprend pas. Tous les jours, il va à l'école et il sait qu'il va rien comprendre. Il va pas tenir longtemps. C'est pour ça qu'il y a un fossé entre kathir min al-muslimi et le Coran. Il y en a même un, fahmoun. Un tahyan, tu lis le Coran, t'arrives à comprendre un verset et tu te dis, c'est wadih. Thomas, tu vas dans la rue, tu trouves les gens, il y en a, ouais, il a pas compris. Est-ce qu'il l'a lu? Allah alam. Et s'il l'a lu, est-ce qu'il l'a compris? Thomas, s'il l'a compris, est-ce qu'il fait les efforts pour l'appliquer? Lakin, on n'est pas à la dernière étape, on est aux premières étapes. Est-ce qu'il l'a lu? Et s'il l'a lu, est-ce qu'il a compris? Badou, mahyanen, ça vous est déjà arrivé avant? Il est dans sa voiture, il écoute du Coran, il écoute, et enta, t'essayes de méditer, tu comprends certaines choses, il écoute et tu vois, Robama, il est un Robama à la radio, et il te dit des choses qui contredisent les versets qu'on vient d'entendre. Et oui, c'est pas qui. Il sait pas. Obama, il te parle de démocratie, de liberté, il te parle de choses qui contredisent les fondements du Coran. Dès que tu lui expliques, s'il a du khair, il te dit, je savais pas. Lakin, il écoute le Coran. Lakin, c'est devenu une écoute, hakada. Fakalam jir l'islam, il est muhim. Qal fa kayfa bi kalamillah. Alladhi huwa ismatuhum. Naam, c'est une isma. Min al-kufr, min al-dhalal. Ce Coran, bi idnillah azzawajal, il te préserve min al-dhalal. قال وبه نجاتهم نعم celui qui applique ce Coran sincèrement ينجو في الدنيا والآخرة أي sera sauvé. قال وسعادتهم نعم celui qui applique le Coran il est من أهل الجنة. قال وقيام دينهم ودنياهم صحيح c'est la base dans ton din et dans ta dunya. C'est pour ça que les sahaba ils l'ont mis comme base, ils l'ont mis comme base الشريعة الإسلامية les fondations du Coran. Ça gérait leur vie, que ça soit dans l'ibadat, les mu'amalat, que ce soit tout ce qui concerne les mariages, le divorce, tous les contrats, commerce, tout ça c'est fondé sur Al-Qur'an ou Al-Sunnah. فصدق شيخ الإسلام العادة تمنع يقرأ قوم كتابا فيه من العلم كالطب والحساب etc. Prends un exemple ما بالك لو les fiches de paye c'était dans des langues qui ne comprennent pas et des chiffres qui ne comprennent pas. Wallah, il va faire des efforts جدًا pour comprendre. Charouf. Ma balukanta. Sa fiche de paye, elle vient. Son patron lui dit, cherche pas à comprendre. Cherche pas à comprendre. C'est une autre langue, des chiffres que tu connais pas. Et cherche pas. Et maintenant, il va se taire. Il sait qu'il y a des choses en jeu. Ma baluk, ce Coran, c'est le jannah. C'est pas un simple salaire de dunya. Très vite, il peut partir. Allah a été prouvé un accident, une maladie. L'argent, elle part. Là, ce Coran, chaque musulman, il est d'accord, c'est, tu l'appliques, tu vas faire le jannah. Ma bon. Un musulman yunkir hada. Falimada, on n'essaye pas. On n'essaye pas de comprendre. Hatta on sait que c'est le. Inch'Allah, c'est la source du bonheur. Fid dunya wal akhirah. Mais là, haqiqa, prétendre une chose et croire avoir la conviction d'une chose, c'est deux choses différentes. Allah al-musta'an. Lakin, on ne désespère pas. Da'iman les efforts. Da'iman les da'wah. Et kathir min al-muslimin wallahi alhamdi font des efforts. Fihada. Wallah, hatta ba'al awam. Il lit, il essaye de comprendre. Lakin. C'est qalil par rapport aux autres. Lakin, on ne désespère pas. La tazal ta'ifatun min hadhihi al-umma 'ala al-haqq. Qala wa yajib 'ala ahli al-'ilm an yubayyinu lin-nas 'ala tariq al-kitabah aw al-mushafaha. نعم الواجب على أهل العلم وطلبة العلم أهل العلم لا شك les premiers concernés c'est العلماء لأنهم c'est eux qui ont le قدرة c'est eux qui ont العلم c'est eux qui ont الفصاحة والبيان etc. كذلك ceux qui étudient عند أهل العلم فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية bien sûr avec la compréhension le فهم الصحيح مثلا سورة الفاتحة tu leur expliques les petites sourates qu'ils connaissent قل هو الله واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل يا ايها الكافرون tout ça la plupart des عوام connaissent انت tu leur expliques et فيها فوائد عظيمه si tu leur expliques الفاتحة tu vas leur expliquer التوحيد دعوة الرسل tu leur expliques قل هو الله واحد tu vas leur expliquer كذلك التوحيد الألوهية tu vas leur expliquer شيء من توحيد الأسماء والصفات أن الله il est unique il ressemble pas aux créatures etc قل يا ايها الكافرون tu vas leur apprendre الولاء والبراء et ça c'est un fondement de l'islam إذا جاء نصر الله والفتح تبالغ أبخذ أن النصر من الله سبحانه وتعالى تبالغ دوني دي فوائد في العقيدة إيه نعم ما بالك تبالغ في تفسير جوز عما تبالغ إكسلك الدين كوبلا هذا صاص مهم فالواجب علينا سلوك الله إلى وفق إلى غير معكم خون سيموتر يموت ولو تبالغ في السر أفرس بارجور تافي نعمة لكن المشكلة الآن حتى بعض يسبخطن طلبة العلم إلى بعيد عن هذا قال ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الله سبحانه وتعالى إلى بخص ميثاق avec أهل العلم أنهم سأوبليجي كي لو بروبال لتبيننه للناس أمر ولا تكتمونه si tu le montres pas c'est que تكتم ça c'est خطير جدا قال والتبيين الكتاب للناس شامل للتبيين الفاظه ومعانيه فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه صحيح الله t'a donné cette ni'ma il t'a facilité cette compréhension il t'a facilité les causes أي أمركز des مشايخ des livres de l'argent pour acheter ces livres tout ça c'est من نعم الله عليه فأنت الشكر في هذا الباب c'est que tu donnes ce que tu as appris si tu donnes pas tu vas tomber في الكتمان قال عز وجل ولا تكتمونه والكتمان معروف c'est من أوصاف اليهود ils connaissent des choses et ils cachent هذا لا يجوز قال والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة وهي التصديق بأخباره صحيح donc الآن il donne les فوائد de connaître التفسير Le but, bien sûr, c'est de te rapprocher d'Allah, de faire monter ta foi, de rentrer fil djennah. Kadhalik qal wa yatazdiq bi akhbari. Naam. Avec cette étude, tu vas lire des akhbar. Qissat Adam, Qissat Nuh, Moussa, Ibrahim, alayhim salam. Anta, tu saddiq hada. Léannahu, c'est min kalam illahi, c'est haq. Qal wal intifa' biha. Kadhalik, tu tires des leçons. Il y a des fawaid azima min qissat Adam. Parmi ces fawaid, Faire attention à ce adou, Iblis. Il a fait sortir Adam min al-Jannah, min babi awla, anta, il veut te faire du mal. Qissat Nuh, kadalik. Qissat Nuh, il y a des fawaïd azima. Minha, anna al-katra la tanfa. Nuh, il s'est retrouvé pratiquement tout seul, fi safina. Et la plupart de son qom, ils l'ont rejeté. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il l'a sauvé. Ils lui ont fait aucun tort, ils se sont fait du tort qu'à eux-mêmes. Qissat Ibrahim, fawaïd azima. Ils ont voulu lui faire du mal. Son père, il est contre lui. Ils ont voulu le jeter. Ils l'ont jeté belle dans le nar. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, vu qu'il était à la haq, il l'a sauvé. Ça te montre qu'un ton adou, s'il veut te faire du mal, si tu es à la haq, ça ne te fait aucun mal. Mujarrad ala, tu patientes. Et al-aqibatu li taqwa. Qissat Nabi ila Muhammad alayhi sallam. Fawaid idam. Tu les étudies fils sira. Qalo l'intifa' biha wa tatbiq ahkam. Naam, kadalik. Tu lis le Qur'an, c'est pour tatbiq l'ahkam. Tu as des ahkam fils salah, fils tahara. في الحج في الصيام هي نعم دي احكام دون ان تو سكي رابور avec النكاح avec الطلاق avec le commerce tout ça تطبق سواء في الحقيقه تورا سيت شريعه كي va te gérer ta vie تورا دي ليميت تورا دي choses tu peux faire des choses tu ne peux pas faire tout ça fondé sur القران والسنه قال على الوجه الذي اراده الله vous avez remarqué qu'il précise beaucoup هذا شيخ العثيمين لان il sait que بعض الناس Il te fait croire que le Coran ça veut dire telle chose et c'est pas Muradullah subhanahu wa ta'ala. Abadan. C'est le hawa. C'est le hawa. Il prend des aqwal shadda. Ou il fait le Coran comme il veut. Il prend une ayah. Mutashabiha. Il délaisse le muhkam. Tout ça c'est min tariqat ahl al-zayr. comme ça y a-t-il معنا. Donc, bien sûr, ce Coran le comprend à la muradillah. Quand il y a le Qa'il, comment je fais? Je reviens au sol tafsir qu'on va voir. Le Coran, il se fait servir le Coran, il se fait servir le Sunna, il se fait servir le manhaj al-Sahaba, le manhaj al-Salaf, la langue arabe. Amma on est des aqwal shadda. Aucun Sahabi l'a dit. Il n'y a aucun dalil min al-Sunna. C'est une compréhension de toi, faqat, ça c'est tariq al-inhiraf wa dhalal. Donc, al-fahm qui. Il insiste sur Ibn Uthaymeen, على الوجه الذي أراده الله, on va le voir, inshallah, dans le prochain درس, les أصول qui va citer de tafsir. قال والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. C'est ça le but. Le but c'est que t'adores Allah subhanahu wa ta'ala على علم, على بصيرة. أي t'es pas مقلد. Tu suis pas les coutumes. Tu suis pas les gens, ils ont fait, donc je fais là. Cette chose elle est dans le Coran. Et le Coran, il nous ordonne ou il nous conseille, on l'a fait, tant qu'on peut. Cette chose, elle est interdite sur le Coran, on s'écarte, même si les gens y font. Voilà. Et tout ça avec la compréhension des Sahaba, comment ils ont compris ce verset? Amma, si tu penses que ce verset veut dire une chose, et la vie des Sahaba, ou manaj, ou la compréhension des Sahaba, elle contredit, délaisse ta compréhension. Et dans les Sahaba, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés, et ils ont été éduqués par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est muhim. Donc surtout pas inventer des choses. Là, on reste à la makan alayhi al-awwaloun. Walaw kariha al-kafiroun. Lana al-kuffar, l'an l'harb, il est fait hada. Est-ce que le kafir, tu l'as déjà entendu te dire clairement, là, votre religion, elle est batila, ne suivez plus le Coran, il te dit pas ça le kafir, là. Ba'dahoum, ils le disent. Lakin l'an, tariqat al-makr qu'ils ont, c'est, il te dit, votre islam, il est tayyib, lakin ils te font un islam de France. Votre Coran, il appelle à la paix. Et lui, il veut certaines ayats, d'autres ayats, il ne veut pas en entendre parler. Et Hakada, il veut t'éloigner. Hatta, t'as un islam que lui, il veut. Ce n'est pas un islam alladhi urida bihi wajhullah, qui nous montre sur l'Utaymin. Là, c'est un islam qui veut lui. Falhadar, alhadar. Amma, hada dars, naktafi bihada. Subhanak, lahum hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.